Le journal d'internet sud-coréen Le Vrai Monde a écrit « Le 13 avril, le syndicat du bâtiment relevant de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a tenu un rassemblement pour la grève générale devant le siège du Parlement. Plus de 10 000 conducteurs des machines de construction y ont participé. Les orateurs ont exigé des autorités l'assurance des droits fondamentaux au travail des bâtisseurs, la révision de la loi pour l'amélioration de l'embauche des bâtisseurs et autres. Avant le meeting, ils ont fait le défilé jusqu'au siège de l'Assemblée nationale.